Bonjour et merci de rester fidèle à notre série L'Histoire en vidéo. L'épisode porte sur Clotaire Ier et ses fils. Alors, nous avons vu comment, à la mort finalement de Childebert en 558, le Clotaire Ier devenait en réalité le roi unique d'un grand royaume qui s'appelait le Regnum Francorum. Son frère Clodomir est mort en 524 dans une bataille qui l'a opposé à Godomar III, lui permettant donc de faire main basse sur une partie du royaume d'Orléans, puis sur la totalité du royaume de Clodomir à l'occasion d'une trahison de son frère Childebert. Nous savons, c'est la fameuse trahison des 50 000 pièces d'or. Puis il a pu ensuite mettre la main sur. Par annexion militaire sur le royaume d'Austrasie et le royaume d'Aquitaine, qui appartenait donc à Thierry, qui avait été transmis ensuite à son fils Tibère, et lui-même l'avait transmis à son propre fils Thibaut, mort sans descendance. Donc, il se retrouve donc à la tête du Regnum Francorum, qui est en fait un territoire très grand, qui est presque aussi grand, sinon plus grand que la France. Et en plus de ça, son frère Childebert a eu uniquement des héritiers femmes, des filles, et il n'a pas eu de fils. Donc, dans une certaine mesure, il meurt sans héritier mâle. Et la conséquence, c'est que le royaume de Paris, qui s'étendait donc de Paris jusqu'à la Bretagne en passant par la Normandie, lui revient. C'est un accroissement territorial qui a des conséquences directes sur la vie familiale de Clotaire Ier. En effet, vivant en concubinage avec Ingonde, il décide de l'épouser à la façon romaine, et non plus morganatique, que de Morgen, latin, matin en allemand, c'est-à-dire en réalité une femme finalement qui devient votre femme parce que vous avez couché avec. Donc il décide de l'épouser à la façon romaine en 532, peut-être pour acheter la paix des Worms et des Saxons qui lui font la guerre, nous l'avons vu. Elle devient donc la reine des Francs de Clotaire à cette date. C'est la reine des Francs. Il en faut une seule. La seule à jouir d'ailleurs de ce titre. Avec elle, il devient le père de trois rois qui nous intéressent. Charibert, Gontran et Sigebert. Alors qu'il cherche un mari pour la sœur de sa femme, donc la sœur de sa femme s'appelle Arégonde, et c'est une reine d'autant plus importante que nous avons retrouvé son tombeau intact avec tous les objets propres aux reines franques à Saint-Denis. Donc Arégonde, il annonce finalement à Ingonde, sa femme, qu'il a trouvé un super bon parti pour sa sœur Arégonde, et ce parti, c'est lui. Voilà. Et on dit qu'Ingonde aurait très bien accueilli la nouvelle, en posant simplement comme condition de ne pas être répudiée. Et on ne sait pas d'ailleurs pourquoi il a décidé d'épouser Arégonde, mais on pense qu'il y a eu un véritable coup de foudre. Et avec elle, il devient père à nouveau d'un fils, un des plus prestigieux rois francs. Le fameux Chilpéric. Son nom aurait été inspiré d'ailleurs par sa grand-mère Clotilde, parce qu'il y a beaucoup de Chilpéric dans sa famille. Clotaire Ier épouse aussi Gondioc. Alors c'est une conséquence logique de la mort de son frère Clodomir, puisque Gondioc est la femme de Clodomir. Et il épouse Gondioc, mais ça n'empêche pas quand même Clotaire Ier de tuer toute sa descendance en 532. À la mort d'Ingonde en 536, il épouse Radegonde. Il avait envie de l'épouser plus tôt, mais les évêques se sont absolument opposés à ce mariage, considérant qu'il y avait déjà une reine des Francs, qu'il ne pouvait pas y en avoir deux, et que le roi des Francs ne pouvait pas en plus être ouvertement polygame. Donc, il épouse Radegonde, issue d'une très bonne famille de Thuringe, et qui a été capturée lors de une fameuse bataille contre les Thuringiens en 533. Il était, nous souvenons, allié de son frère, et à cette date, donc il tombe Donc il massacre les Thuringiens et il acquiert un butin de guerre. Et dans son butin de guerre, qui sont donc les butins de guerre sont tirés au sort, et dans son butin de guerre se trouve Radegonde ainsi que son frère Hermanfred. Alors elle est encore un peu jeune à ce moment-là, mais il se rend compte qu'elle est très jolie et finalement assez intelligente. Et en plus, elle est quand même de très bonne famille, même si il l'acquiert comme un simple butin de guerre. Donc, elle est en plus d'ailleurs nubile en 533, c'est-à-dire qu'elle a plus de 12 ans. Et à 12 ans, les femmes germaniques, les femmes franques, peuvent être épousées. Mais il attend donc le conseil de ses évêques, la mort d'Ingonde en 536, pour l'épouser en tant que reine. En tant que reine légitime. Alors nous savons que ça se passe très mal, qu'elle est horrifiée, qu'elle s'enfuit en 536 une première fois, mais qu'elle est capturée à nouveau, alors qu'elle est en train de remonter le cours de l'Ain, du fleuve l'Ain. Et finalement, elle est obligée de se marier. Elle est mariée par l'évêque Médard. Puis, lorsqu'en 555, le Clotaire Ier attaque les Saxons et tue le frère de Radegonde, Hermanfred, parce qu'il soupçonnait en réalité ce frère Hermanfred de vouloir en réalité rallier l'alliance saxon-thuringienne qui se battait à ce moment-là contre les Francs de Clotaire, eh bien, Radegonde trouve ça insupportable. On a d'ailleurs toute cette plainte, la complainte de Radegonde, qui est très bien traduite en réalité dans le poème de Venance Fortuna, qui deviendra le poète attitré de Radegonde et l'évêque de Poitiers. Bref, elle trouve que c'est une marque de cruauté, enfin, un comportement d'une telle cruauté qu'elle ne supporte pas son mari, et elle finit par obtenir de lui la séparation de corps, même la séparation, le divorce, dans une certaine mesure, et elle part dans un de ses fiefs à Seix, une de ses dots en réalité qu'elle a reçue en tant que femme mariée. Elle s'installe là, elle construit un ermitage, et elle construit un des premiers hospices de France. Malheureusement, elle apprend que son mari veut quand même la récupérer, tout en disant qu'il veut la récupérer en tant que reine légitime avec tous les droits qui sont attachés à sa fonction, mais elle s'enfuit. Et on dit que d'ailleurs elle aurait traversé un champ que des paysans étaient en train de semer et elle aurait fait pousser l'avoine pour pouvoir se cacher. Et elle aurait demandé évidemment aux paysans de mentir en disant que depuis que l'avoine a poussé, ils n'ont rien vu. Ce qui est d'ailleurs pas un mensonge, qui est une vérité. Mais au moment où les paysans voient débarquer le roi et ses hommes, ils sont tellement impressionnés par cette présence qu'il finit par lui dire la vérité. Et donc, en réalité, le roi, plutôt que de continuer à poursuivre sa femme, Radegonde, s'arrête et considère que finalement, cette histoire de champs d'avoine qui pousse, qui cache en réalité sa femme ainsi que ses compagnes qui s'enfuyaient, qui fuyaient loin de sa présence, l'impressionne. Et en fait, il acquiert une plus grande estime pour sa femme. Il repart admiratif et on dit que même ça a conditionné un comportement, un changement complet dans son comportement à l'égard de sa femme, à qui il a financé ensuite le fameux monastère de Sainte-Croix à Poitiers. Et il a aussi financé le transport de la relique de la Sainte-Croix jusqu'à ce monastère, c'est pour ça que ce monastère qui à la base s'appelait Notre-Dame, s'est ensuite appelé le monastère de Sainte-Croix. Et c'est dans ce monastère de Sainte-Croix que Radegonde va vivre cloîtrée en tant que simple moniale, ne voulant même pas être mère abbée. Elle le donnera d'ailleurs, donnera ce titre à une de ses amies, Agnès. Donc Radegonde vivra dans ce monastère jusqu'en 587, date de sa mort, où lieu où elle vivra évidemment sédentaire, comme tous les moines, mais où elle aura une influence considérable sur les hommes et les femmes politiques de son temps, ainsi que sur le petit peuple. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, Radegonde est une sainte patronne secondaire de la France, une personne donc considérable et dont le rayonnement n'a pas fini de s'éteindre. Merci et à bientôt.